Troisième chapitre, la vie bretonne. Je voudrais évoquer dans ces pages, non pas l'armorique parcourue circulairement chaque année par des milliers de touristes, mais la vieille terre de Gaël, conservant opiniâtrement, à travers les siècles, son âme traditionnelle et ses coutumes ancestrales dans le travail ou dans les fêtes. Cette vie intime est encore assez peu connue. Quelques auteurs parisiens ont écrit tour à tour, et suivant leur humeur, que les Bretons sont des sauvages ou bien des hommes primitifs, mais admirables d'honnêteté et de droiture. Nos compatriotes ne méritent ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Nous aimerions, par la simple description de leur existence, prouver qu'ils sont toujours intéressants, alors même qu'ils se trompent. Par ces temps de banalisation à outrance, il nous plaît d'appartenir à une race qui ne soit pas encore complètement assurée que le progrès industriel, c'est le bonheur. Beaucoup de Bretons, Dieu merci, rechignent à croire que le fait de porter un horrible complet, d'habiter une maison à 7 étages, de travailler parmi les 3000 ouvriers d'une usine, de prendre des apéritifs sur le zinc, de lire un journal et d'aller au Beuglan, constitue la supériorité des hommes civilisés. Le routinier paysan armoricain s'enorgueillit encore de ses beaux habits, de ses pardons, de ses églises et de ses châteaux. Éloignés plusieurs années de leur village, nos marins ou nos soldats tombent malades en songeant à leur chaumière lointaine. Les officiers qui ont commandé les stationnaires en Extrême-Orient pourraient vous raconter les morts extraordinaires de pauvres garçons consumés comme des plantes arrachées de leur terroir et incapables de fleurir sous d'autres cieux. Presque toutes les tentatives de colonisation en Afrique par des Bretons ont sombré parce que les cultivateurs transportés en terre d'islam dépérissent victimes de leur nostalgie. Un tel peuple, les 5 départements bretons comptent 3 300 000 habitants, exactement le 12e de la population de la France, mérite par son attachement à son sol quelque respect. La Bretagne est vénérable par son antiquité même. Sa presqu'île granitique émergea de l'océan avant que le sol de la France ne fût constitué. Les premiers hommes qui l'habitèrent édifièrent des monuments immortels gravés quelquefois de signes mystérieux, dolmen, menhir, pulven, galgal. Plantés sur l'armorique comme les balises du passé, ils dirigent invinciblement notre pensée vers les âges fabuleux. Maintenant, si vous observez les manifestations de la vie bretonne, vous trouverez la même impression d'éternité. Les villages granitiques avec leurs maisons aux toits de chaume, aux portes basses, aux fenêtres étroites, les champs aux cultures primitives, les paysans vêtus comme au Moyen-Âge et dont l'esprit ne diffère guère des vilains du XVe siècle, vous transportent très loin en arrière. En les contemplant, on perd la notion du temps et l'on est surpris lorsque, par hasard, une automobile traverse ces bourgs vétustes, ordinairement parcourus par des chars à ridelles, tirés au pas de leurs bœufs lents. Pour bien apprécier le caractère de la vie bretonne, il faut pénétrer au cœur même de sa presqu'île, dans les régions montagneuses que les chemins de fer ne parcourent pas encore. Visitons par exemple quelques villages morbihanais les plus typiques et les plus évocateurs du passé. Un chemin creusé par les pluies nous y amène. Les talus dépassent notre hauteur et sont plantés de chênes têtards, pleins de bosses et de verrues. Leurs racines écartent la terre du remblai. Des aubépines et des houx forment une voûte de verdure agressive au-dessus de notre tête. Sous nos pieds, des ornières profondes, sinueuses et des rocs émergent. Le village se compose d'une rue ou d'une place bordée de pauvres maisons. Ces demeures paysannes sont construites en pierres grossièrement appareillées. Elles sont formées d'un rez-de-chaussée et d'un grenier auquel on accède soit par un escalier en pierre, soit par une échelle. Le toit de chaume est enfoncé comme un bonnet sur les petits yeux des fenêtres. Comme ces habitations rurales ont presque toujours plusieurs siècles, les portes, à la manière gothique, sont cintrées et parfois les meneaux écussonnés. Une inscription nous renseigne généralement sur la date de la construction. Nous poussons la porte. Après avoir descendu 2 ou 3 marches, nous nous trouvons dans une salle noircie par la fumée et très peu éclairée. Le plafond est formé de grosses poutres assez mal équarries et auxquelles sont accrochés les pains, les salaisons, les chapelets d'oignons et le moulin à cuillère. La cheminée de granit mouluré est quelquefois sculptée lorsque la ferme est une ancienne gentilhommière. Elle abrite sous son manteau des bancs sur lesquels les vieillards s'assoient pendant la veillée. De chaque côté du foyer sont disposées les lises et les armoires menuisées par les artisans villageois qui continuèrent les traditions d'art des huchiers gothiques. Certaines fermes ne manquent pas d'allure avec leurs grands portails, leurs tourelles, leurs fenêtres et leurs portes écussonnées. Dans la salle, la cheminée monumentale en granit est décorée de lions et de chimères héraldiques. Nous nous trouvons alors en présence d'anciens manoirs, accommodés en maisons de laboureurs par leurs propriétaires. Sous l'ancien régime, les petits nobles cultivaient eux-mêmes leurs terres et menaient une vie assez semblable à celle des fermiers dont ils étaient issus. Ils affirmaient seulement leur noblesse en accolant à leur maison la tourelle, le pigeonnier et le portail. Malheureusement, ces gentilhommières mal entretenues tombent en ruine. Des artistes ou des propriétaires de goût auraient intérêt à les restaurer afin de les habiter, et nos campagnes bretonnes ne perdraient pas ces petites demeures posées sur leurs coteaux comme les reliquaires en vieil argent du souvenir. Dans la journée, la ferme se vide. Les hommes et les femmes valides sont égayés aux champs. Seuls les vieillards et les petits-enfants restent à la maison au coin de l'âtre s'il pleut. Fait-il soleil ? Ils vont au courtil, sorte de petit jardin potager où les légumes s'associent aux fleurs rustiques. Les repas réunissent la famille et les serviteurs autour de la table. Rien ne rompt l'extrême monotonie des aliments. Le matin, on satisfait sa faim avec une gigourdaine de lait et de métaille. À midi, l'on mange une soupe de lard et de légumes. Le morceau de lard est divisé en tranches minces que chaque convive mange du bout du couteau, sur le pouce, avec un gros chanteau de pain noir. Le soir, même soupe, ou bien, chez les paysans plus pauvres, une bouillie de blé noir ou des galettes trempées dans du vin aigre. L'été, les laitages et le beurre occupent une grande place dans les menus. La viande est un luxe à peu près inconnu sur la table de nos paysans. Ils y goûtent seulement dans les grandes occasions, aux noces par exemple. De même, ils préfèrent vendre leurs volailles et leurs œufs. La boisson ordinaire des Bretons est le cidre. Dans les années de mauvaise récolte, ils boivent une sorte de piquette au miel médiocre hypocrasse. Les paysans apportent à la table la même gravité qu'au travail. Manger est pour eux une chose sacrée, et ils sont pleins de respect pour le pain et la chair qu'ils mangent lentement. Devant les tourtes de métaille, ils se souviennent des angoisses et des fatigues que leur ont coûté le blé ou le sarrasin. Le paysan, d'une façon générale, est très sobre de nourriture. Il mange peu, mais souvent. L'été, après la mariennée, comme l'on dit dans le pays gallo, c'est-à-dire la sieste de l'après-midi, il casse déjà la croûte et l'arrose copieusement de cidre. 6 et 7 repas sont nécessaires à des ouvriers levés à 4 heures du matin et couchés à 10 heures du soir. Pendant les moissons, nos paysans se reposent à peine 6 heures par nuit. C'est l'époque des grands travaux faits en commun et, malgré d'incroyables fatigues, ils sont joyeux d'être réunis nombreux autour des gerbes d'or dressées devant chaque ferme comme des tours orgueilleuses. En considérant dans les champs ces paysans vêtus de toile bise et de houseaux, on éprouve la même impression d'antiquité que devant leur village que nous venons de décrire. Les machines agricoles, faucheuses, batteuses, moissonneuses-lieuses, concasseurs, charrues à vapeur, etc., sont inconnues dans ces régions demeurées moyenâgeuses. C'est avec une faux que les hommes coupent l'herbe des prés, c'est avec un faucillon qu'ils abattent les gerbes de seigle et de blé. Au mois de juillet et d'août, par des chaleurs torrides, courbés péniblement, ils mettent 8 jours à couper ce qu'une machine abattrait en 2 jours. Comme en Bretagne la pluie est fréquente, le foin et le froment reçoivent des averses avant qu'on ait eu le temps de les rentrer. Plusieurs fois, nous avons prouvé à nos voisins qu'ils auraient économie de temps et d'argent à faucher ou à battre à la machine. Ils n'ont point été ébranlés pour cela. Ils nous opposent cet argument. Le blé coupé au faucillon fournit une paille bien supérieure à celui coupé à la mécanique. Cet amour du bel ouvrage a sa grandeur. Dans les petites fermes, aussi incroyables que cela paraisse, on bat encore le blé et le seigle au fléau. 8 personnes, hommes et femmes, disposées comme pour un quadrille, sont armées d'un fléau, instrument primitif, sorte de fouet en bois dont les 2 parties, le manche et le battant, sont reliées par une charnière souple et pivotante en peau de porc. Les 2 groupes de 4 travailleurs marchent à la rencontre l'un de l'autre, tout en frappant à temps alterné, avec un rythme de plus en plus fort, les javelles étendues sur l'air, appelées « rues ». Presque toujours, ces batteries s'accompagnent de chants dont la cadence s'harmonise aux mouvements réguliers de leurs bras. Dans les métairies moyennes, on se sert d'une mécanique assez fruste, mise en action au moyen d'un manège de chevaux ou de bœufs. Au milieu de ce manège, sur une plateforme, un homme armé d'un fouet surveille la marche des animaux et les stimule de la voix et du geste. Une sorte d'arbre de couche dentée transmet le mouvement à la batteuse et, comme presque tous les engrenages sont exposés à l'air libre, quelques paysans, chaque année, sont broyés par ces outils. Oliveux, un fermier de notre voisinage, s'estima trop heureux d'être déculotté tout vif, ainsi s'exprima-t-il, par les terribles roues dentées. La mauvaise qualité du tissu de son pantalon lui vaut de vivre encore, solide et courageux. Dans ces batteries, les hommes et les femmes se partagent le travail suivant leur capacité. Les jeunes servants grimpés au sommet des melons lancent les gerbes aux femmes qui les reçoivent au bout de leur fourche. Les hommes sérieux les enfournent dans la batteuse. Les vieillards repoussent le grain au râteau. Les vieilles femmes le criblent. Les filles ont retroussé leurs cottes et enveloppent leur coiffe d'un fichu afin de préserver leurs cheveux de la poussière blonde. Elles chassent la paille battue. La chaleur rougit leur face. Les gars font pleuvoir sur elles de grosses plaisanteries qu'elles accueillent par des rires sonores. Il règne ces jours-là une gaieté et une liberté d'allure que l'on ne retrouve plus dans les autres circonstances de la vie bretonne, généralement réservée et muette. Pendant tout le mois d'août, la campagne devient une immense ruche remplie du bourdonnement incessant des machines à battre. Le soir, les travailleurs s'en reviennent par bandes. Ils frappent le sol de leurs gros sabots et ils chantent de ces chants alternés, venus du fond de leur race et empreints d'une grandeur et d'une poésie véritables dans le silence auguste des nuits d'été. En novembre commence l'éveillé. Les labours et les semailles sont finis. C'est la saison du repos pour les paysans. Le soir, après dîner, ils se réunissent à tour de rôle dans une ferme pour travailler et pour causer. Les anciens, au coin du feu, somnolent ou prononcent de temps à autre quelques phrases sentencieuses afin d'affirmer leur expérience et leur sagesse. Les femmes filent le chanvre récemment tillé ou la laine de leurs moutons et nous admirons comment une grossière paysanne devient belle d'attitude en tournant son rouet. Les hommes tissent les licoués des liens pour les gerbes, éboguent des châtaignes et fument en crachant la salive du coin de leurs lèvres rasées. Sur la table, les pichets de cidre incitent les veilleurs à boire en mangeant les châtaignes bouillies que l'on écrase dans le lait doux. Quand les estomacs se sont apaisés, le plus savant de l'assistance raconte des histoires de l'ancien temps. des histoires qu'il a recueillies de la bouche de sa grand-mère, laquelle les tenait, enfin des histoires si vieilles qu'on ne sait pas où et quand elles sont nées. Ces récits, presque toujours fantastiques, terrifient ou transportent les plus naïfs. Il s'agit de trésors trouvés dans les ruines ou bien de revenants, car tous ont vu, au moins une fois dans leur vie, des fantômes. À minuit, les landes sont peuplées de ces revenants. Beaucoup de veilleurs ont été les victimes de Cabino, le diable terrible et facétieux du pays gallo. Pendant les veillées s'ébauchent aussi des idylles campagnardes. Assis à l'écart sur un banc de lit, les galants, la douce et son aimable, causent à voix basse ou bien se regardent sans rien dire, leurs petits doigts enlacés. Or, le petit doigt est celui du cœur. Jadis, ces veillées étaient une des manifestations les plus charmantes de la vie sociale dans les villages. Elles tendent à disparaître. Les fermiers prennent l'égoïste habitude de rester chez eux. Les jeunes gens, au retour de leur service militaire, n'éprouvent plus de plaisir à s'éveiller et ils ne comprennent plus la naïveté et la forme souvent très poétique des vieux contes. Ils se croient supérieurs à leurs pères parce qu'ils boivent davantage et sont brutaux avec les filles. Quoi qu'il en soit, on veille surtout dans les bourgs du centre de la Bretagne et Lancou, le génie annonciateur de la mort, et Cabino, le démon, et tous les esprits de l'air et des bois feront frémir longtemps encore des paysans superstitieux. Commencés pendant les veillées, les idylles d'hiver se terminent presque toujours l'été venu par des mariages. C'est alors grande réjouissance dans les hameaux conviés aux noces. Le cortège des paysans en beaux costumes ornés de velours s'en va à travers champs précédé des joueurs de biniou et de bombardes. Ces instruments primitifs ressemblent au cabretaïr des Auvergnats et à la nouba des Arabes. Ils s'en exhalent des sons aigus, tour à tour joyeux et mélancoliques. Les sonneurs gonflent leurs joues à la grosseur des poches de leurs instruments et soufflent avec une force qui nous rassure sur la robustesse de leurs poumons. Ils s'interrompent pour boire du cidre. Un bon sonneur de biniou peut boire 8 litres de ce liquide dans sa journée. Le repas de noces a lieu en plein air, car aucune salle ne pourrait contenir les centaines de convives. Comme les sièges et les tables manquent, on dresse dans une prairie des échelles sur lesquelles on s'assied. Des planches posées sur l'herbe remplacent les tables et reçoivent les assiettes et les verres. Le père de la mariée a tué un bœuf et plusieurs moutons. Les ragoûts succèdent aux fricassés. Le fumet des viandes attire de très loin les mendiants qui ne sont pas oubliés en ces jours de fête. Le dîner terminé, les danses commencent. Hommes et femmes se trémoussent en cadence avec une ardeur infatigable. Les gavottes, les ridées, les balzacâtres, les menuets, les balancés sont dansés à la perfection. Le spectacle d'une ridée morbihanaise sautée par 300 paysans atteint à la grandeur. Leur ronde évoque le cercle de l'éternité, la chaîne sans fin du monde gravée sur les dolmens. En effet, n'est-ce pas l'image de la vie éternelle que cette vieillesse et cette jeunesse, vivaces et gaillardes, associées dans leur joie? La population du littoral s'occupe surtout des choses de la mer. Les pêcheurs ont un certain mépris pour les terriens. En fait, ils ont une supériorité incontestable au point de vue de l'intelligence et de la propreté. Leurs villages, soigneusement blanchis à la chaux chaque printemps, réjouissent par leur aspect coquet. Leurs intérieurs sont tenus comme des navires de guerre. Passionnés pour la mer et ses aventures héroïques, les marins racontent volontiers leurs voyages. Ils n'ont point la routine du paysan et sont, par conséquent, moins traditionnalistes. Leur temps fini, beaucoup prennent du service dans la marine marchande et les plus intelligents deviennent capitaines au cabotage. La majorité arme des embarcations pour la pêche du thon et de la sardine. Cette population misère les années où la pêche est mauvaise. les sardiniers de Concarneau, de Douarnenez et de Camaret connaissent depuis plusieurs années la disette. Ces hommes ont une endurance et une intrépidité extraordinaires. Malheureusement, du samedi soir jusqu'au moment de l'embarcation, ils demandent à l'ivresse l'oubli de leur souffrance. Le dimanche, leur état d'abrutissement atteint à l'épique. Leurs femmes doivent les arracher au cabaret et les jeter dans leur barque. L'on voit partir des centaines de bateaux de pêche montés par des hommes ivres. À la barre, les mousses, seuls êtres lucides, conduisent ces milliers d'ivrognes à travers la nuit sur la mer instable. L'industrie de la sardine à l'huile emploie une bonne partie de la population féminine de la côte, depuis la Turballe jusqu'à Audierne. Les jeunes filles et les femmes occupées dans les friteries gagnent un salaire insuffisant pour leur travail pénible. Il nous faut signaler des industries, sinon plus lucratives, au moins plus séduisantes. La population bigoudaine vit en partie des broderies bretonnes. À Pont-l'Abbé, hommes et femmes travaillent à broder des gilets et des corsages de soie d'un coloris admirable, orange et jaune. Les brodeurs répètent à l'infini des dessins mystérieux assez semblables aux signes rupestres des pierres druidiques. L'origine de ces bigoudins est presque aussi difficile à établir que celle de leur broderie. Demeurés païens longtemps après la conversion de l'Armorique par les apôtres irlandais, ils sont un peu tenus en suspicion par leurs voisins. Malgré ou à cause de leur intelligence supérieure à celle des autres cornouaillais. Dans les bourgs, il existe encore des artisans dont la mentalité et la façon de travailler n'a presque pas changé depuis le Moyen-Âge. Ils habitent des maisons antiques et ils possèdent le plus souvent un pré où quelques vaches vont paître. Quelques-uns vivent comme les nomades bédouins, ainsi les sabotiers. Ceux-ci abondent dans la région forestière de Paimpont et de Camors. Ils établissent leurs chantiers dans les hêtraies. Au premier abord, leurs huttes rappellent les gourbis des berbères africains. Fabriquées en boue séchée, ces cabanes sont recouvertes d'un large toit de chaume ou de brindilles. Aucune cheminée ne conduit la fumée, qui s'échappe par une ouverture pratiquée dans la toiture. Un patron sabotier emploie deux ou trois ouvriers sous ses ordres. Ils se partagent la besogne. L'un dégrossit les blocs de hêtre, l'autre avec la tarière évide le sabot, et le troisième le polie, le parachève et le sculpte à la gouge. Bien que les Bretons fassent une consommation formidable de sabots, cette petite industrie nourrit mal son homme. Les sabotiers sont malheureusement obligés d'avoir recours aux intermédiaires, les marchands des bourgs et des petites villes. Quand la hêtraie sur laquelle ils travaillent est consommée, ils se déplacent, démolissent leur hutte, emportent les matériaux transportables et vont camper ailleurs. Il faudrait encore parler des potiers et des décorateurs de faïence. Dès le XVe siècle, les poteries bretonnes se répandirent hors de cette province et furent appréciées. Mais la décoration sur émail cru ou émail cuit ne date que du XVIIe siècle. 50 années après, les vaisseliers paysans étaient chargés de faïences multicolores d'un goût très sûr. Aujourd'hui encore, Quimper fournit des services assez amusants. Mais là, comme partout, le progrès a corrompu l'art spontané des peintres. Sur les assiettes de fabrication récente, des bons hommes en bragoubras et des femmes en vertu gadin remplacent les oiseaux, les fleurettes et les coques jadis stylisées avec goût. Comment conclure cette esquisse de la vie bretonne ? Après y avoir réfléchi, nous pensons que l'existence de notre vieille province offre surtout de l'originalité par son encadrement, ses sites, son littoral, sa faune et sa flore. En elle-même, l'Armor moderne perpétue au XXe siècle la vie d'une vieille province française. Les gens d'Auvergne et du Limousin nous ressemblent et leur traditionalisme n'est pas très éloigné du nôtre. Jadis, les mobiliers de la vieille France se copiaient. On trouve nos lits clos dans la Savoie. Les pardons bretons, ces fêtes à la fois religieuses et profanes, évoquent encore le Moyen-Âge tout à la fois mystique et sensuel, dévot et braillard, respectueux et frondeur. Nous croyons pourtant une originalité certaine aux Bretons. Ils la doivent à la nature de leur sol. Ne sont-ils pas pétris de ses rocs et de sa glèbe ? Une centralisation à outrance n'amènera jamais la race de nos vaches pies noires à devenir quelque chose de semblable aux bestiaux du Cotentin. Quoi qu'on fasse, et pas davantage, la mentalité d'un armoricain ne s'approchera de celle d'un Montmartois. Si l'on envoyait des citoyens de Belleville sur les landes morbihanaises, en 3 générations, ils deviendraient des Bretons fatalistes, mélancoliques et lents à concevoir. La vraie force d'un homme lui vient de son terroir. En Armor, il est planté dessus comme un chêne et il vit de sa substance. Ainsi donc, même quand la civilisation glorieuse que nous subissons aura conquis nos derniers signes extérieurs de personnalité, l'âme bretonne, j'emprunte ce titre au bel ouvrage de Charles Le Goffic, qui a su faire palpiter magnifiquement toute la pensée de nos compatriotes dans ces pages d'un grand artiste. L'âme bretonne persistera et longtemps encore nos compatriotes penseront et vivront comme des armoricains. Quand je considère les populations ivrognes et arriérées de certains cantons des côtes du Nord, acquises au chapeau noir et à la redingote, et lorsque je me retourne vers les riches et intelligents habitants de Plougastel d'Aoulas et de Pont-l'Abbé, aux costumes versicolores et charmants, je pense qu'un écrivain breton doit souhaiter à sa province une longue vie de beauté et de pittoresque.